Voici Jean Leclerc pour Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire Vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Histoire vivante, cette semaine, l'Amérique comme cible. It is a historic turning point of great significance for all peace-loving nations. Personnellement, je suis prêt à abandonner tout ce qu'on a construit là pour essayer la paix. La diplomatie américaine, des accords de Camp David à Sabra-e-Shatila. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a goal. Nous savons que ce chien enragé du Proche-Orient a pour but la révolution fondamentaliste islamique mondiale. Le 11 septembre 2001 peut-il être considéré comme un effet boomerang en réponse à la longue et tumultueuse histoire de la diplomatie américaine au Proche-Orient? Vaste question, on peut toujours s'y lancer, mais on n'en verra pas le bout, le tout est de le savoir. Dernier jour de la semaine, donc consacré à l'évocation de cette diplomatie sous les régimes de Jimmy Carter et de Ronald Reagan. D'un côté, ainsi que nous l'avons évoqué, un président plutôt effacé, Jimmy Carter, mesuré, dont le charisme n'est à l'évidence pas la qualité première, mais qui va, par acharnement, par talent, par opportunisme ou par conviction, ou peut-être tout cela à la fois, forcer la main de l'Égyptien Sadat, de l'Israélien Begin, pour décrocher les accords de Camp David. Un même Jimmy Carter qui échouera presque immédiatement après dans les affaires des otages américains. L'Amérique change ensuite de président. Si très vite le nouveau et 40e président des États-Unis fait de la lutte contre la menace soviétique sa priorité, il va devoir aussi traiter quelques problèmes brûlants au Proche-Orient. Les otages américains détenus dans l'Iran de l'imam Khomeini reviennent aussitôt après l'élection de Reagan. L'Iron Gate nous apprendra plus tard les conditions de la tractation. Conditions particulièrement troubles. Mais très vite, très brutalement, le nouveau président Ronald Reagan fait son baptême du feu, avec le Liban et la Libye, dont nous avons reparlé ces jours derniers. Nous avons en mémoire, en tout cas de ce côté-ci de l'océan, une image pour le moins contrastée de ce président. Par certains côtés, c'est un démagogue au verbe et à l'alarme facile, dominant une Amérique expansionniste et envahissante, une Amérique à la Rocky, musclée et bagarreuse jusqu'au masochisme. Une Amérique gendarme du monde, une Amérique aveuglée par sa propre puissance. Pour conclure cette semaine, nous vous proposons Michael Kirk, expert dans l'approche médiatique du monde secret du renseignement, puisqu'il enquête depuis maintenant une vingtaine d'années sur cette question. Michael Kirk est un journaliste qui vit aujourd'hui à Boston. À l'instar d'un Bob Woodward, l'un des deux journalistes du Washington Post qui, avec Carl Bernstein, vous vous en souvenez certainement, provoqua la démission de Richard Nixon, il fait partie de ces journalistes d'investigation qui interrogent en permanence le fonctionnement démocratique de leur propre pays. Michael Kirk, qui a bien voulu vous présenter en quelques mots son film « Target to America », la traduction est assurée par Nicole et Daniel Zacker, que je remercie très chaleureusement au passage. Alors nous avons tout d'abord demandé à Michael Kirk s'il avait réalisé son documentaire après les événements du 11 septembre 2001. Nous avons commencé à travailler au lendemain des attentats du 11 septembre. Nous avons travaillé le plus vite possible. C'est pourquoi nous l'avons réalisé en quelques semaines à peine. Mais heureusement, nous avons commencé déjà à travailler sur ce sujet bien avant, des années auparavant. Les terroristes doivent savoir que partout où ils violeront les règles des relations internationales, notre politique sera d'infliger un châtiment rapide et efficace. Lorsque les Américains sont pris pour cible la première fois, l'homme le plus puissant du monde réagit avec détermination. Nous ne devons pas céder aux exigences des terroristes et provoquer ainsi une recrudescence du terrorisme. Nous ne pouvons pas récompenser leurs actions abominables. Nous ne céderons pas. Le président va être durement mis à l'épreuve au cours des années à venir. Les États-Unis ne font pas de cadeaux, n'offrent pas de garanties aux terroristes. Nous ne faisons pas de concessions, ne passons pas de marché. Les pays qui abritent des terroristes compromettent leur sécurité et mettent leur population en danger. Terroristes, sachez que nous répondrons à vos attaques au Liban et ailleurs. Un documentaire réalisé donc à l'arraché. Alors, quelles furent les réactions du public à la suite de la diffusion de son film « Target to America » sur les écrans des télés américaines? Michael Kirk. It was very interesting. Many Americans wrote us emails and letters. Ce fut très intéressant. Beaucoup de jeunes Américains nous ont envoyé des mails, des lettres. C'était très typique des Américains de ne pas se souvenir des leçons de l'histoire et de penser que la menace terroriste n'existait plus. Many Americans that contacted us felt very strongly that beaucoup de jeunes Américains qui nous ont contactés. It's very typical of Americans not to remember that something like this has happened. Ont eu cette réaction très typique des Américains de ne pas retenir les leçons de l'histoire. Une Amérique amnésique en somme, amnésique et aveugle, ou amnésique puisqu'aveugle. Mais veut-on en permanence se rappeler de la douleur? Se rappeler, est-ce pour souffrir de nouveau? Si c'est cela, non merci, disons les amnésiques. Sinon, comment transformer la douleur? Comment s'appuyer sur elle et s'en servir pour comprendre et analyser le monde d'aujourd'hui? Au fond, veut-on oublier ou se rappeler? Un travail comme le vôtre, Michael Kirk, est sans doute là pour rééquilibrer cette équation bigrement complexe. Le public américain est-il justement, selon vous, plus mûr depuis les événements du 11 septembre à propos de ces questions, et notamment les jeunes? Oui, les jeunes gens se sentent vraiment beaucoup plus conscients. It is, you know, not as intense as it was in, say, October and November. Mais ce n'est pas aussi intense en octobre et en novembre que le 11 septembre. Par exemple, pour Thanksgiving, qui se situe fin octobre, les Américains commençaient déjà à voyager, à ressortir. Ce n'est pas que nous pensons qu'il n'y a pas de menace terroriste. Mais c'est plutôt que nous pensons que ce n'est pas si terrible que nous l'avons pensé la première fois. Ce que nous avons fait pour l'Afghanistan montre bien que, en fait, c'est un signal pour dire que nous ne devrions pas être aussi détachés par rapport à la menace du terrorisme. I think many Americans are already beginning to forget with any intensity. Je pense que déjà beaucoup d'Américains sont en train d'oublier l'intensité des événements de septembre et commencent déjà à se détacher et à se relaxer par rapport à cette menace. L'Amérique a déjà été en guerre contre des terroristes il y a quelques années. Personne ne doit sous-estimer la détermination du gouvernement et du peuple américain. Nous avons pris des otages, car c'est la seule chose que nous pouvons faire ici, contre les Américains. Cet épisode de l'ambassade américaine en Iran a ébranlé une présidence, humilié l'armée américaine et pris toute la nation en otage pendant 444 jours. Good evening. They were there over Christmas and they were there for encore détenus à Pâques, le 155e jour. Le nouveau président promit du changement. Qu'il soit retenu depuis si longtemps est humiliant et honteux pour ce pays. Il va alors tenter pendant 8 ans de gagner une nouvelle forme de guerre. Voici l'histoire de ses premiers combats, des batailles sur le terrain et dans les antichambres du pouvoir où le ministre des Affaires étrangères faisait une guerre bureaucratique à son collègue de la Défense, pendant que leurs adjoints, qui parviendraient un jour eux-mêmes au pouvoir, découvraient concrètement tout ce qu'il faudrait faire pour gagner cette guerre d'un genre nouveau. toujours cru que Born in the USA était un hymne à l'Amérique. En fait, c'est une critique profonde du pays, d'une nation dure et brutale qui se soucie très peu de ses enfants les moins bien lotis. Michael Kirk, les attentats qui se sont déroulés le 11 septembre 2001 ont d'abord touché le cœur économique et stratégique de votre pays, les villes. Alors la perception de ces attentats vous paraît-elle différente selon qu'on habite à la ville ou à la campagne aux États-Unis ? Yes, that's a very interesting question. And, oui, c'est une question très intéressante. It really is true. I have just come back from California, and et I live vrai. In Boston. Je reviens de Californie, Boston, j'habite à Boston. We've felt very strong because the airplanes, two of the airplanes took off from Boston. Boston, l'effet était beaucoup plus fort parce que deux des avions avaient décollé de l'aéroport de Boston. The intensity, what happened, I think much more than people I know in Los Angeles. L'intensité était beaucoup plus grande à Boston et à New York qu'à Los Angeles ou dans le milieu des États-Unis, dans les fermes. Yes, I think in New York it is felt even more intensely. Oui, bien sûr, à New York la sensation était encore beaucoup plus forte. New York, mais I think people have même à New York et à Boston, generally speaking, more normally now than et ils commencent à vivre beaucoup plus normalement maintenant qu'il y a deux mois. And if we are spared another terrorist attack, I would say many, many, in fact, the vast majority of Americans je dirais que la plupart des Américains not forgotten Je dirais, n'ont pas oublié les événements, mais se sentent beaucoup plus détachés et détendus par rapport à la menace terroriste. Mmh. Le film que vous avez écrit, Michael Kirk, qui est Target to America, expose un différend important au sommet de la Maison-Blanche entre Caspar Weinberger, le secrétaire d'État à la Défense, et George Shultz, ministre des Affaires étrangères pendant de longues années à la Maison-Blanche. Bob Woodward nous resitue le problème. Weinberger, le ministre de la Défense, voulait résoudre la question du terrorisme par la diplomatie ou la négociation, pas par la force militaire. Mais George Shultz, le ministre des Affaires étrangères, voulait être ferme et utiliser l'armée. Ces deux personnages étaient tellement puissants à la Maison-Blanche et dans l'administration qu'ils se neutralisaient mutuellement, en quelque sorte. Il y a aux États-Unis, ainsi que dans tous les États démocratiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il y a toujours une division entre la voie diplomatique et la voie militaire. Mais il y a une ironie sous l'administration Reagan, c'est que le département de la défense désirait moins la guerre, et spécialement la guerre contre le terrorisme, que le département d'État. Et maintenant, le secrétaire d'État Powell dit que nous devons être très prudents lorsque nous nous engageons et que nous devons utiliser des coalitions. Nous devons nous référer à l'OTAN, que nous ne devons plus agir unilatéralement. Et sous l'administration Carter, c'était la même chose ou sous l'administration Carter, c'était plus ou moins la même chose que c'est maintenant. C'est-à-dire que le département d'État aimerait des négociations, mais c'était tellement proche de la guerre du Vietnam, c'était un épisode tellement douloureux, et spécialement pour les militaires américains. C'était une telle défaite que de libérer les otages en Iran était considéré comme une humiliation militaire. Alors, ils n'étaient pas très intéressés pendant ces jours-là d'exécuter leur volonté dans ce genre de situation sous l'administration Carter. Et il est vrai que le recul face à l'actualité permet de prendre en compte un plus grand nombre de paramètres, ainsi le mandat du président Carter, voisin de la guerre du Golfe. Alors, naturellement, le choix politique s'en trouve irrésistiblement modifié. Ces données pragmatiques nous rappellent combien gouverner est, sans contestation possible pour celui qui s'y colle, avant tout l'art de prévoir. Mais c'est aussi l'art de s'adapter aux données du moment. On l'a déjà évoqué, ce documentaire est riche en archives, bien sûr, puisque son auteur, Michael Kirk, travaille depuis une vingtaine d'années sur ce type de sujet, mais il est également riche en témoignages. Les hommes du président Reagan, Weinberger, Shultz, nous l'avons déjà dit, mais aussi Paul Bremer, directeur du contre-terrorisme au ministère des Affaires étrangères, Robert Dillon, ancien ambassadeur au Liban, ou Robert McFarlane, membre du Conseil national de sécurité, ont accepté eux aussi de répondre à vos questions. Et comme toujours, c'est un peu comme dans les réunions de famille, il faudrait éviter d'aborder les sujets qui fâchent. Oui, mais si on les aborde pas, on n'avance pas, on n'évolue pas. Vous avez donc décidé de les aborder, sachant que on ne vous répondrait pas tout le temps. À ce titre, des journalistes, peut-être plus libres de leurs paroles, tout au moins doit-on l'espérer, y ont également abordé avec vous certaines questions. C'est le cas de Bob Woodward, grande figure mythique du journalisme. Après tout, c'est pas si souvent qu'on débarque un président dans une carrière de journaliste, ça en a fait fantasmer quelques-uns. Bob Woodward a accepté de vous répondre. Une chose saute immédiatement aux yeux quand on analyse comment l'administration Reagan traitait le terrorisme. à savoir que tout le monde agissait en fonction des préoccupations, des obsessions et des intérêts du président. Le ministre des Affaires étrangères, le directeur de la CIA, le ministre de la Défense étaient assis à la table en face d'un président Reagan totalement obsédé par les otages, et ces gens lui présentaient alors des idées et des plans qu'il n'aurait même pas envisagés dans des situations plus rationnelles. Bob Woodward est l'un des meilleurs journalistes d'investigation d'Amérique. Il a de très bonnes sources. Sous cette présidence en particulier, il avait beaucoup de sources et de connaissances sous le gouvernement Reagan concernant les conséquences auxquels étaient confrontés le secrétaire Weinberger, Schultz, McFarlane et M. Reagan et les autres. Alors nous avons demandé à Bob et nous lui avons posé des questions sur ces parties de l'histoire dont les autres ne voulaient pas parler ouvertement. Verification interviews with people, but Bob Woodward was Bob était vraiment one of the people who could say them out loud. Des seules personnes qui pouvaient en parler ouvertement et en prendre la responsabilité. Bah oui, puis c'est peut-être sa façon à lui de rendre hommage à gorge profonde, sans qui Bob Woodward ne serait encore qu'aujourd'hui, qui sait, qu'un journaliste talentueux mais anonyme. En tout cas, vous aurez l'occasion dimanche soir de découvrir un peu mieux cette importante figure du journalisme américain. Pour l'instant, retour à Target to America. La Maison-Blanche choisit Mohamed Kadhafi, le président de la Libye, car elle pensait que parmi d'autres actions terroristes, il était aussi à l'origine du détournement du bateau de croisière italien Achille Lauro. Kadhafi n'était pas très populaire. Il faisait des choses étranges et tenait tête aux Américains d'une manière parfois insensée. Kadhafi symbolisait en quelque sorte la frustration des Américains. Mais c'était un symbole dont il était plus facile de s'occuper que, disons, le Hezbollah et l'Iran. Les faucons de l'administration avaient enfin obtenu ce qu'ils voulaient, envoyer des avions de combat en territoire ennemi. Nous étions très remontés et nous avons commencé à tout préparer, à faire des plans. L'armée de l'air prit Tripoli et nous Benghazi. Le commandant a lancé les réacteurs et nous avons décollé en direction du détroit de Messine. Nous étions tout un groupe de combat l'un à côté de l'autre dans le soleil couchant. C'était vraiment superbe. Tout le monde s'est alors retrouvé sur le pont d'envol, mais j'étais le dernier pilote à décoller et je hurlais de frustration dans mon cockpit, car j'avais peur de tout rater. Les États-Unis ont gagné une unique bataille dans cette longue guerre contre le terrorisme. Mais nous ne cesserons pas le combat avant que les peuples libres et honnêtes de la planète ne s'unissent pour éliminer de notre monde moderne ce fléau qu'est la terreur. Il y a dans cet extrait de Target to America un côté étoffe des héros, hein, qui ne vous a sans doute pas échappé. On est joyeux de partir à la guerre, on demande de l'ennemi, on veut s'avaler son cheeseburger à la sauce Kadhafi et promis, on mangera tout. Les Américains ont cet imputrescible talent à vous balancer sans aucun tabou leur supériorité écrasante. Alors quand on est bien luné, ça peut faire pouffer, mais enfin c'est pas tous les jours. Alors Michael Kirk, une dernière question. En Europe, il y a eu, vis-à-vis de Reagan, un sentiment mêlé d'ironie lié à ses antécédents d'acteur. En plus, il n'a pas tourné que dans du chef-d'œuvre. Pensez-vous que ça a pu lui nuire, et nuire par conséquent, à la crédibilité même des États-Unis ? J'ai été surpris, en reconsidérant le président Reagan, de voir combien il était fort comme président. Nous avions le sentiment à l'époque, comme vous l'avez suggéré, qu'il était simplement un acteur donnant les répliques et se tenant devant une caméra. Mais nous avons découvert récemment, à travers du film que nous avons fait, que son attitude n'a peut-être pas été aussi extraordinaire que le président George W. Bush, mais il avait une qualité, une dimension que les personnes qui travaillaient avec lui essayaient de suivre. Alors, est-ce que c'était un acteur? Oui. Mais est-ce que c'était un homme puissant qui agissait sur une émotion et sur une idée bien définie? Est-ce que cela a travaillé contre lui? Oui, certainement. Encore un qui ne ménage pas les États-Unis. John Cougar Mellencamp écorche le rêve américain. Pink Houses, Maison Rose. Est-ce cela l'Amérique? Ce pays où tout le monde peut aspirer à habiter sa petite maison rose, soigneusement alignée le long de sa petite allée? Well, there's a black man with black hair. And there's a woman in the kitchen cleaning up the evening slime. And he looks at her and says, hey darling, I can remember when you could stop a cloud. Oh, but ain't that America for you and me? Ain't that America something to see, baby? Ain't that America, home of the free? Yeah, little pink houses for you and me. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch.